il y a eu un éclatement du système familial, du sous-système familial, et des difficultés énormes à retrouver les parents quand ils les retrouvaient, parce que 3-4 ans, on oublie comment étaient ses parents, que les retrouvailles s'inscrivent dans ce qu'on appelle en psychanalyse un après-coup de la première séparation. Et les enfants finalistes, je ne sais pas psychologiquement comment ils sont devenus, mais ils ont connu des ruptures successives qui ont eu un effet sur leur psychisme. Donc, c'est des enfants devenus adultes qui restent fragiles et ils peuvent rencontrer, et moi je l'ai vu en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et l'hyper-cachère. Il se trouve que j'animais à ce moment-là un groupe de parole d'anciens enfants cachés où là il y a eu une désorganisation totale et ils avaient l'impression de revenir 70 ans en arrière. Voilà, donc il y a une fragilité qui demeure. Ils ont tout fait pour essayer d'aller de l'avant, fonder une famille et transmettre ce qu'ils pouvaient transmettre. Mais ils restent profondément fragilisés par ces blessures très profondes. Est-ce que ça a pu aller jusqu'à des pathologies psychiques profondes, parfois ? Alors, ça a été parfois des pathologies importantes, mais curieusement, qui sont, moi, ce que j'ai repéré, plus fortes chez leurs enfants. Qu'est-ce donc ? Dites-moi ça. C'est-à-dire que ces enfants cachés se sont construits sur un secret. Ouais. 1991, cette première réunion leur a permis de sortir de leur cachette. C'est-à-dire qu'enfin, on les reconnaissait, ils avaient souffert. Ils ont, après la guerre, vécu en maison d'enfants, où ceux qui ont retrouvé un des deux parents, ils l'ont retrouvé transformé, métamorphosé par l'expérience des camps ou de la clandestinité, remarié avec un conjoint qui avait perdu son conjoint en camp. Donc, des reconfigurations familiales, parfois, qui ont induit du mortifère. Et c'est les enfants qui ont pris en charge leurs parents, mais tout ça dans le silence. C'est le silence qui domine dans leur histoire, avec une répression des émotions, parce qu'on ne pouvait pas être triste, il fallait aller de l'avant. Et donc, chez leurs enfants, il y a quelque chose qui s'est transmis à leur insu. L'histoire n'a été peu racontée. Et après, c'est le fardeau qu'il faut porter, quoi. Voilà. C'est bien connu. On a un héritage, mais on n'a pas de testament. C'est cela. C'est ce que dit René Char. On va écouter une dernière archive, la fin d'interview de Robert Finali, réalisée par les 5 journalistes de 5 colonnes à la Une en 1962. On en a passé un extrait déjà. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'il est arrivé en Israël au moment où il parle et il commence son service militaire. Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez rendu à la vie civile? Quand j'aurai fini mon service militaire, j'apprendrai la médecine. Pourquoi la médecine? C'est parce que ce métier me plaît et aussi c'était le métier de mon père. C'est important pour vous de faire le métier de votre père? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que d'être ici en Israël, vous obéissez plus à sa volonté que si vous étiez resté en France? Oui. Parce qu'il voulait qu'on reste juif, c'était sa dernière volonté. Je pense que je suis dans un bon endroit ici en Israël, comme il voulait. En somme, vous avez l'impression que le destin que vous avez maintenant, c'est celui qui vous convenait le mieux. Oui, moi je crois que c'est la meilleure voie. C'est la voie naturelle, comme on dit, comme tous les enfants. Ils viennent ici, ils font leur étude, ils ne sont pas enfermés. Vivre dans l'air libre, comme on dit. S'amuse, parce qu'on fait des promenades, des excursions, des camps, vont à la mer, à la piscine, comme tous les autres. En France, je n'ai jamais fait ces choses-là. Vous êtes devenu comme les autres. Oui, certainement. Comme tous les autres. C'est ça le mot-clé, non ? Devenir comme les autres ? Devenir comme les autres, c'est retrouver son affiliation première. Je pense que c'est ça qui est important. Ça a été le cas pour les enfants finalis, mais ça a été le cas aussi pour les enfants qui ont été pris en charge par l'assistance publique, dont l'assistance publique avait du mal à rendre aux familles biologiques qui s'étaient absentées pendant 4 ans. En faisant abstraction de ce que les parents avaient vécu. Bien sûr. Dans une autre interview, Robert Finali revient sur le moment où il prend son envol pour Israël, après ses années de cavale, et il dit que c'était comme si les adultes l'avaient jeté dans un grand bain sans lui apprendre à nager. Et en effet, il lui faudra 12 ans pour réapprendre une religion, une langue, un lien familial, un pays, une communauté. Ça aussi, c'est l'autre étape difficile. Mais à aucun moment, en fait, on s'est, en écoutant le reportage, mais à aucun moment, on s'est demandé comment allaient ces enfants. Comment, ça comment ils allaient psychiquement, ces enfants? Ouais. C'est-à-dire que ces histoires d'adultes, ouais. entre, ça a été jusqu'à entre l'Église et l'État, avec des enfants tiraillés à droite, enfin, d'un côté et de l'autre, mais psychiquement, comment ils allaient, ces enfants? Vous avez la réponse? Personne ne s'est posé la question à ce moment-là. C'est-à-dire ouais. que c'est vrai que la psychologie de l'enfant... c'était pas la première préoccupation. C'était pas la première préoccupation. Et après la guerre, le problème, c'est que voilà, ces enfants ont été ballottés, ont considérés comme objets, mais on n'a pas pris en compte leur développement psychologique. Marion Feldman, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour vos éclairages et votre expertise autour de cette affaire et de ce thème. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les enfants Finali, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site France Inter pour toute information complémentaire à notre émission et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui, et puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara, Jean Bulot, Guillaume Malandras et Margot Pinel. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrat, reportage Anaël Verzo, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Hélène Bizio, Coyenne Guyenne et Jérôme Boulet.